l'histoire d'une rose, un cœur, une dynamite. Ça finit toujours mal quand ça commence par des mythos. J'ai des frissons, la maladie d'amour. Le reste que des larmes, des pleurs à tous les niveaux. Et si le monde autour de moi m'endurcit, j'ai déposé les armes, y'a que toi qui m'adoucis. J'ai pris le large et si mon cœur chavire, il n'y aura que des larmes, des pleurs à tous les niveaux. Si tu tombais, je tomberais sans toi. Jamais laisse couler les larmes. Tu dis que ton cœur est grand, peux-tu tout donner à une seule femme? Mais sans toi, je vais où? Sans toi, d'amis sur mon cœur, un verrou. Emmène, emmène, emmène, emmène-moi, loin de mes doutes. Moi sans toi, je vais où? Sans toi, d'amis sur mon cœur, un verrou. Emmène, emmène, emmène, emmène-moi, loin de mes doutes. Tu m'as dit qu'on irait chercher le bonheur à deux. On vivrait un conte de fées et que des jours heureux. Je me suis confié à la lune et ma lune répondit. Appelle étoile, ne décroche pas, j'exaucerai tous tes voeux. Tu m'as dit que tu ne te sentais bien que dans mes bras. Que mon regard échauffait ton cœur mieux que dans des draps. Petit bateau a échoué, sentiments ont coulé. C'est notre histoire qui tombe à l'eau. Bandolero, si tu t'effaces moi, je m'égare, je t'aime et tu es prêt à couvrir ma peine et aimer une seule femme. Mais sans toi, je vais où? Sans toi, t'as mis sur mon cœur un verrou.